Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo, vous êtes bien sur le 107. Coucou à tous ceux qui nous écoutent via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Il est à midi 2 exactement, nous sommes ensemble dans la bulle de l'IA, bienvenue aujourd'hui et bien avec deux invités, Camille et Florent de l'association Les Monts de l'Utopie. Bonjour à tous les deux, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, comment merci ça va de nous avoir invité. C'est avec plaisir que je vous reçois, est-ce que vous allez bien? Oui, tout va très bien, merci. Ah bah super. Alors, votre association a vu le jour en septembre 2016, c'est bien ça? C'est ça. Alors, d'où venez-vous? Waouh, on vient sur... on vient d'un on peu cherche. De loin et d'accord. En même temps tout proche. On est tous les deux originaires des Vosges. Après plusieurs années sur la route et dans différents voyages, régions de France, on a décidé de revenir s'installer dans les Vosges il y a maintenant quelques années. Ouais. Avec pour moi l'envie de recréer de l'événementiel ici, dans un événementiel bien particulier, puisque je suis organisateur au Rêve de l'Aborigène à Poitiers depuis maintenant 8 ans. Ah oui. Qui est un festival autour de la musique traditionnelle, didgeridoo, guimbarde et chant diphonique. Waouh, c'est cool. Un festival sans alcool, chose aussi exceptionnelle en France. Ah oui, ça c'est vrai. Bravo. Et du coup, en rentrant ici dans l'Est, l'idée était de recréer ce genre de projet. Oui. Ce qui s'est présenté il y a maintenant 3 ans avec les Bonnes Vibrations à Gérardmer, sur d'accord. laquelle Camille et moi, on a rejoint l'organisation et on s'est impliqué complètement sur ce projet-là pendant 1 an. Suite à ce projet qui s'est arrêté, on a décidé avec un groupe d'amis de lancer les Monts de l'Utopie. D'accord. À Rochesson en septembre 2016. Waouh, ben dis donc, quel parcours, c'est sympa. Dans quel but vous avez envie de recréer tout ça? L'idée, c'était que effectivement, étant originaires les deux des Vosges, on est, comme disait Flo tout à l'heure, on a pas mal voyagé. Oui. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revenir aux sources. Et finalement, on se dit il y a quand même beaucoup de choses à faire ici. Ah oui. Bien que voilà, au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'alternatives et de choses qui se mettent en place. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas refaire un petit peu revivre les Vosges dans cet esprit-là, donc c'est pas mal la culture du monde, et puis effectivement, pourquoi pas, parce que l'idée à la base des Monts de l'Utopie, c'était recréer un festival sans alcool autour des cultures du monde, dans l'Est de la France, puisqu'il n'y en a pas. D'accord. Alors, expliquez-nous pourquoi, d'où ça vous vient un petit peu, le fait de ne pas vouloir consommer d'alcool au sein de festivals, c'est important. Là, c'est aussi plutôt, à la base, par exemple, pour le rêve de l'aborigène, c'était aussi une manière de soutenir les aborigènes d'Australie qui, eux, avaient été ravagés par l'alcool. Et c'est vrai que moi, je ne fais pas partie de l'organisation, mais du moins, j'ai pu être public de ce genre de festival. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout la même dynamique. Oui. Et du coup, moi, je trouve que c'est intéressant d'amener ça aussi par chez nous, puisqu'il n'y en a pas. Et puis, ça permet aussi d'avoir un festival familial. Voilà, les gens, ils se sentent peut-être un petit peu plus à l'aise. Et puis voilà, c'est différent aussi, oui. Sans alcool, la fête est plus folle. Il fallait que je le dise, là. Après, c'est vrai que pour l'instant, du coup, nous, on se focalise, parce que pour monter un projet de festival, il faut évidemment des fonds. Donc pour l'instant, on se focalise sur des petits événements sur la commune de Rochesson, qui, eux, il y a de l'alcool. Ah. Mais donc, il y aura des événements avec et des événements sans. D'accord. Donc voilà, pour qu'il y ait les deux aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu culturel et dans un petit village ou n'importe où, quand on dit « on fait une soirée concert sans alcool », les gens tout de suite, ils tiquent un peu. Donc c'est vrai que pour aussi contenter tout le monde, on en fait avec alcool et on va faire aussi des soirées spectacles sans... Pour amener la chose doucement. Tu disais que ça changeait un petit peu les choses sans alcool, que ça devenait plus familial. C'est ça vraiment que ça change? Ou est-ce que vous avez l'impression que quand on participe à un festival et qu'on rencontre des gens qui ne consomment pas forcément d'alcool, on a l'impression d'avoir des rapports humains un peu plus vrais? C'est quoi en fait le truc qui change? Ben moi, je peux en parler par rapport à mon expérience au rêve de l'aborigène. En fait, l'alcool, on parle beaucoup de la drogue en France et qu'il y a beaucoup de drogue sur les festivals, qu'il y a beaucoup de drogue. Mais l'alcool, c'est un des premiers fléaux de notre pays. Et oui. L'alcool, on le trouve partout, il est en vente. Et... il est légal. C'est de l'alcool, c'est de la drogue légale, quoi. Et hein. C'est de plus en plus consommé et à outrance sur les festivals. Et il y a une perte. C'est quelque chose qu'on a réalisé avec les artistes, c'est qu'il y a une perte d'attention du public envers les artistes et donc voilà, en fait c'est ce qu'on veut retrouver aussi dans des événements sans alcool, c'est une certaine attention du public envers les arts qui sont proposés. D'accord, que vraiment les gens partagent le festival avec les artistes, parce que voilà, c'est sympa aussi d'échanger, de partager un peu tous ensemble. C'est ça. Et ça permet aussi d'ouvrir le festival sur d'autres choses comme des ateliers en journée, des conférences. Oui. Et qu'il y ait plein de monde qui puisse venir un peu avec les enfants et tout ça, parce qu'on n'a plus trop peur d'amener les enfants, quoi, du coup. À Rochesson, c'est facile d'amener un petit peu des choses comme ça ? Est-ce que c'est facile de proposer un peu des événements sans alcool à des gens qui... Je sais pas, Rochesson, c'est quoi comme population ? C'est un petit peu... il y en a pour tous les âges ou c'est un petit peu vieillot ? Ben, je pense comme beaucoup de villages français, je connais pas la moyenne d'âge de Rochesson, hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés. Après, on salue les habitants de Rochesson, hein. Oui, on n'est pas contre les habitants de très Rochesson. Très sympathique, moi j'adore ce village. Et c'est vrai que, mais il y a quand même beaucoup de gens de toutes les générations qui viennent aux événements qu'on a déjà pu proposer. Oui, oui. Donc c'est vrai que c'est plutôt un bon point pour nous et ça nous fait plaisir justement de voir un petit peu tout le monde. Est-ce que c'est facile d'amener un peu ce genre d'événement sans alcool sans choquer un peu les habitudes des gens ? Bah pour le sans alcool, sur l'association Les Mondes de l'Utopie, on n'a pas eu encore l'expérience puisque ça ne s'est pas fait, il n'y a pas eu réellement d'événement sans alcool. D'accord. Mais par rapport, je peux parler par rapport au Festival des Bonnes Vibrations. C'était un festival sur 5 jours sans alcool avec des conférences, des concerts, des ateliers. Où au début on nous prenait un peu pour des hurluberlus pour présenter un festival comme ça. Finalement les retours ont été hyper positifs, que ça soit de l'administration ou comme des festivaliers, et c'est super bien passé. Après il y a beaucoup de monde qui demande quand est-ce qu'on va refaire ce festival, ça se refera pas les Bonnes Vibrations. Pourquoi, ou peut-être par une autre organisation. D'accord. Mais pas nous en tout cas personnellement, et du coup voilà. Et pourquoi vous faites plus les bonnes vibrations ? Vous avez décidé de créer quelque chose ? On a quitté l'association Accélération à la suite du festival pour des questions personnelles. D'accord, ok. Vous avez envie d'autre chose, hein, oui, parce que ça arrive, hein, c'est des chemins de vie comme ça. Et vous avez donc créé les Mondes de l'Utopie. Alors pourquoi ce nom pour cette association ? C'est un chouette nom d'ailleurs. Eh ben, trouver un nom, c'est toujours très difficile. C'est vrai. Donc là, à la création de l'association, on était une quinzaine d'amis, donc on a tous fait des propositions, et c'est vrai que les monts, c'est rappel aux roches, évidemment, et l'utopie, parce que au-delà de chercher à faire un festival sans alcool, il y a aussi une certaine démarche alternative derrière ce projet. Et donc, les mondes de l'utopie, c'est arrivé un petit peu naturellement. Il y a eu plusieurs propositions, on a gardé ça, et c'est vrai que... Vous avez bien eu raison, c'est chouette. Merci. Combien il y a de membres actifs au sein de votre association ? Vous êtes combien au total ? Alors, en membres actifs... On est une quinzaine de membres actifs. Vous êtes une grande bande de copains au sein des mondes de l'utopie ou pas que ? Il y a des copains, gens... habitants de Rochesson et aux alentours. D'accord. Vous avez rencontré des gens que vous ne connaissiez pas avant ? Eh bien, oui, sur la commune de Rochesson, oui. Là, après, avec les premiers événements qu'on a faits, il y a eu des gens qui sont venus. Donc, oui, on a des voisins. Enfin, il y a quand même des gens de Rochesson qui ont adhéré à l'association et certains d'entre eux sont toujours là pour nous filer un coup de main. D'ailleurs, on remercie les voisins, la mairie, tout ça, qui sont quand même un bon soutien pour nous. Et voilà. Et après, là, on est déjà à presque une cinquantaine d'adhésions pour cette année. Ah oui, c'est bien. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors, on va reparler de cette association un petit peu dans les moindres détails. Mais tu nous parlais un petit peu d'une démarche alternative. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que vous proposez au sein des mondes d'utopie, d'alternatifs? Eh bien, là, pour l'instant, sur les événements, par exemple, ben, pour l'instant, ça se cantonne à des petits ouais. détails comme ça, mais parce que là, par exemple, on propose un poulet mafé samedi soir. Ah bah c'est bien de le dire. Voilà. Donc, il y a poulet mafé samedi soir à la salle communale de Rochesson. À quelle heure, dis-nous tout. À 19h30. D'accord. Donc, voilà. Et donc, par exemple, voilà, c'est des petits détails, mais il y a une vaisselle autogérée. D'accord. Donc, voilà, les gens vont aller dehors et puis ils feront leur vaisselle eux-mêmes. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit détail, mais c'est plutôt sympathique. Il y avait eu des bons retours l'année dernière par rapport à ça au couscous concert. Et après, l'alternative, là, on essaye aussi de... C'est un petit peu de la cohésion, quoi, que chacun avance avec l'autre et que voilà. Oui, tisser du lien, tendre vers l'autonomie. Et puis, il y a aussi ce côté où on aimerait pouvoir travailler avec les producteurs locaux. Donc, ouais. Pour ce qui est de la nourriture, on essaye de faire au mieux. Donc, pour l'instant, c'est le début. Donc, on a les petits moyens. Donc, c'est vrai que voilà, ouais, quand on veut ouais. acheter du local bio, il faut un petit peu... Des sous. Un petit peu de sous, donc voilà, mais la démarche est là en tout cas, c'est de favoriser les artisans et les commerçants locaux au maximum qu'on puisse le faire, quoi. D'accord, c'est ça, ça n'existait pas avant à Rochesson, il n'y avait pas vraiment d'association comme la vôtre À Rochesson, non, parce qu'il y a les associations comité des fêtes, enfin voilà, il y a quelques associations, je ne pourrais pas toutes les nommer parce qu'il y en a quand même, mais... Ça bouge là-bas à Rochesson? Oui, si, il y a quelques événements dans l'année. Après, c'est un petit village, hein, on ne peut pas dire non plus que c'est... Elle est gentille, Camille, avec sa commune. Oui, non, mais en même temps, je vais pas... j'aime bien ce village. Bah, oui, bah, t'as bien raison, c'est en pleine nature, c'est tranquille, il faut pour tout le monde. Ouais. Mais vous aviez envie un petit peu de dynamiser les choses à un moment donné, sans vouloir casser du sucre sur le dos de qui que ce soit. On apprécie les gens de Rochesson, on les salue encore une fois. Et on apprécie leur commune, qui est très belle. Hein, parce que c'est vrai, c'est vraiment très nature là-bas et ça, voilà, ça, c'est un peu un retour aux sources. On se sent un petit peu plus libre, mais voilà, on avait envie de faire quelque chose qui change pour dynamiser un peu, voilà. Oui, et puis à Rochesson, on a toujours été bien accueillis. Ça va faire bientôt 4 ans qu'on vit là-bas. D'accord. Et on est arrivé, c'est comme si on connaissait tout le monde. Tout le monde nous dit bonjour, même si on se connaît pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très sympathique dans ce village. Vu que c'est enfermé dans les montagnes, il y a une cohésion entre tout le monde, entre toutes les générations, et c'est super chouette à vivre. C'est accueillant. Ouais. C'est accueillant. Après, au niveau animation, il y a de l'animation, mais pas pour tous les goûts. D'accord. Et il y a les pompiers qui organisent le feu de Saint-Jean, il y a le comité des fêtes qui organise une pièce de théâtre, une marche rando-raquette, mais jamais autour de la des musiques du monde et des cultures du monde. Du coup, c'est aussi une ouverture à la pluriculturalité. Et du coup, c'est chouette de pouvoir vivre ça à Rochesson, puisqu'on se sent soutenu au niveau des voisins, au niveau de la communauté. Parce que là, vous créez tout de A à Z, hein, du coup, dans cette association. Avant, vous faisiez tu parlais d'autres festivals. C'était des choses sur lesquelles tu étais rattaché, mais c'était pas forcément toi qui étais à l'initiative du projet même. Là, ouais, vraiment, c'est votre idée à vous. C'est un peu votre bébé, quoi. C'est un peu ça, oui. On est les deux membres fondateurs, donc... Ben voilà. C'est chouette de voir des gens qui créent des choses nouvelles, et ça nous fait plaisir. On se fait une petite pause avec... on se lance dans une première bulle de son avec une playlist complètement concoctée par nos deux invités aujourd'hui, Paharadi de Lolomis, et on se retrouve juste après. Solo, solo, Satan es solo. Arriba. just like a stream of consciousness with no consequence. Barak, barak, szeletok, madarok, madszok, térség, térténika. Barak, barak, atam, matom a kolokán, vagy tam, náru, Amerika. Barak, barak, szeletok, madarok, madszok, térség, térténika. Barak, barak, atam, matom a kolokán, vagy tam, náru, Amerika. Faces, raging lust, the raven us, the deadly. Recognize these because they are your enemies. Smoke hides fire, dust hides the mirror. Couldn't be clearer. In every age, I come back to deliver the holy. Destroy the sin of the sinner. Establish righteousness. And yes, he whose heart is devoted, whose senses are mastered, he finds rhyme and enlightened. He passes it once and back, peacefully preaching the prana we lack. Nous sommes toujours ensemble avec aujourd'hui nos deux invités du jour, Camille et Florent, hein, parce que j'allais dire Florian, Camille et Florent de l'association Les Mondes d'Utopie. Merci encore à tous les deux et bien d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Les Mondes de l'Utopie, c'est une association qui est un petit peu jeune encore, hein, septembre 2016, on a le temps de voir venir les choses, qui se situe à Rochesson, au cœur des Hauts-de-Vosges, on l'a bien dit tout à l'heure. Mais alors quel est le but, l'objectif premier de cette association Les Mondes de l'Utopie? Le but premier, c'est quand même ramener... Déjà, c'est un constat du territoire à la base. De retour dans les Vosges, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'événements qui se déroulent à droite à gauche dans les Vosges. Mmh. Et jamais autour des cultures du monde. D'accord. Beaucoup, la culture est très rock. Rock, punk ici, enfin, c'est notre constat à nous. Et il y a un manque de culture du monde. Du coup, si on veut de la culture du monde, il faut aller à Strasbourg, à Nancy. Et ça fait tout de suite de la route. Et ça fait un manque d'ouverture de la population locale ici. Donc on va essayer de ramener de la culture du monde et des sonorités qu'on n'entend pas ici. Donc qu'elles viennent d'Afrique, qu'elles viennent d'Australie, qu'elles viennent, que ça soit de la fusion, un mélange entre différentes musiques traditionnelles. On est très musique traditionnelle réarrangée. Donc voilà, c'est ce qu'on veut emmener ici. Et aussi à travers, par exemple, comme les soirées repas. Donc à chaque soirée repas, c'est un thème différent. Donc l'année dernière, c'était couscous. Cette année, c'est poulet mafé. L'année prochaine, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est aussi de faire aussi découvrir des plats d'ailleurs. Des plats typiques, oui. Qui c'est qui cuisine? Et bien là, c'est une amie de Gérard May, qui est sénégalaise. Cool. Qu'on remercie d'ailleurs, parce que je pense qu'on va se régaler. Bah oui, ça c'est sûr. Donc ce sera, c'est à chaque fois sur un thème, une culture bien précise, ou alors, non, peu importe, c'est un petit peu le plat qui est choisi, mais la soirée se déroule autour de plusieurs cultures différentes. Eh ben, pour cette année, ça va être complètement dans le thème, puisque c'est poulet mafé, donc ça vient du Sénégal, on aura des boissons sénégalaises traditionnelles aussi, et la soirée sera animée par un duo Bléni, qui est un groupe qui est en train de grandir au sein de l'agglomération de Nancy. C'est un groupe composé de... Bah là, ils viennent en duo. Donc Adrien Bocaillou, qui est... C'est marrant, il est pas originaire de Rochesson, mais ça fait 24 ans que ses parents ont acheté une maison à Rochesson. Ah bah voilà. Et quand on l'a contacté pour venir jouer... On n'aura jamais parlé autant de Rochesson. Ouais, c'est clair. Faut en parler, c'est un beau village. C'était vraiment incroyable. Lui n'en revenait pas qu'il allait venir jouer à Rochesson. Donc voilà, c'était super. Et il vient accompagné d'un percussionniste africain. D'accord. Qui a joué avec des grands groupes. Ivoirien, je crois, non ? Il est ivoirien, non ? Ivoirien, je sais pas. En tout cas, il a joué avec des grands groupes africains, Baba Mal, j'en ai pas d'autres en tête, mais c'est un très bon percussionniste. D'accord. Et Adrien est multi-instrumentiste, du hang en passant par la guimbarde, le chant, les percus. La chorale. Donc ça va faire un beau mélange, les deux musiciens ensemble. Et on a décidé de les programmer que eux, puisqu'ils vont proposer plusieurs sets tout au long de la soirée, pour animer la soirée. Alors rappelle-nous, cette soirée, elle a lieu... À la salle des fêtes de Rochesson, samedi soir 21 avril, d'accord, à partir de 19h30. Ok. Ça sera animé par Duo Bléni, c'est 15€ le repas plus le concert. Ah oui. Pour les non-adhérents. D'accord. 12€ pour les adhérents de l'association. Ok. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et 5€ pour les personnes qui viennent uniquement pour le concert. Ça, c'est chouette. Alors là, il n'y a plus d'excuses là. Hein. Vous êtes obligé d'aller à la salle des fêtes de Rochesson. Si vous ne connaissez pas Rochesson, eh bien, vous le découvrirez. C'est pas très loin d'ici en plus, donc tout va bien. Comment tu as fait pour rencontrer un petit peu les musiciens qui vont venir jouer? Tu les connaissais déjà ou... Non, c'est de la recherche. C'est de la recherche. D'accord. Ils sont séduits un petit peu par... Par le projet, parce que vous voulez amener, parce que oui, vous présentez. C'est quoi qui leur plaît dans votre démarche? De faire découvrir un peu d'autres sonorités, comme tu dis? Oui, je pense aussi, parce que c'est vrai que dans les Vosges, il n'y a pas vraiment de scène musique du monde. Oui. Et c'est vrai que ça a été des retours sur nos premiers événements. On nous l'a dit, c'est bien d'avoir ça maintenant dans les Vosges. Ne lâchez rien. Donc je pense que effectivement oui, les artistes qui jouent ce genre de musique sont contents de pouvoir pouvoir présenter venir dans tout les Vosges. Ça bah, oui. De pouvoir présenter tout ça. Mais alors ça vous vient d'où cet amour pour la musique du monde et ses sonorités multiples? Le voyage. Ouais. On a tous les deux beaucoup voyagé et du coup c'est vrai que quand on voyage, on peut profiter également de toutes les musiques et on en a beaucoup ramené. Et donc, Manquait, donc voilà, on a amené le voyage chez soi. C'est ça. Vous êtes deux globe-trotteurs? Oui, toujours. On adore voyager. Ouais. Vous avez voyagé où, par exemple, pour aimer autant de choses différentes? Moi, je suis allée souvent au Maroc. D'accord. Je suis allée à la Réunion et l'année dernière, je suis allée 5 mois en Amérique du Sud. D'accord. Donc c'était Équateur, Pérou, Bolivie. Ça manque pas les voyages comme ça un peu ? Si, mais c'est bien. Enfin, bon, en tout cas, maintenant, j'essaie de voyager tous les 2-3 ans. D'accord. Et voilà, c'est le temps de... Pour amener de peut-être des artistes de beaucoup plus loin chez vous un jour. Bah, avec plaisir, oui, ça serait bien. On aimerait bien parce qu'on commence à avoir une belle liste d'artistes qu'on aimerait bien faire venir. C'est mais bon, voilà, il faut des moyens, mais ça va venir. Hein. On les fait dormir à Rochesson. C'est ah un bah, dépaysement place, hein. pour les habitants des Vosges et pour eux aussi. Il voilà. y a de la place et on a des voisins formidables qui accueillent nos artistes. Donc, En général, il y a beaucoup de monde qui viennent aux soirées que vous présentez. Eh bien, le couscous concert l'année dernière, on a servi 163 repas. Ah oui. Plus des entrées concerts uniquement. D'accord. Donc ça cette année, là, on est déjà à 70 réservations pour le repas de samedi soir. On en a prévu 120 à peu près. On voulait limiter et que ça soit plus sympa, plus chaleureux. D'accord. Excusez-moi. Et pas de souci. Et on a fait une soirée le 24 février qui s'appelait Concert d'hiver avec 2 groupes de Strasbourg. D'accord. Et un groupe et un DJ du coin. 2 groupes de Strasbourg, Seiya et un autre groupe qui s'est composé spécialement pour Trio Morana, qui s'est composé spécialement pour la soirée. Ah oui, ça c'est chouette. C'est vraiment que ça plaît, quoi, ce que vous proposez. Là, les gens s'investissent avec vous et ça, ça fait plaisir. Et du coup, là, cette soirée-là, on a fait un peu moins de 100 personnes sans entrée. Mais D'accord. on rentre dans notre argent et c'est voilà. ce qu'on attendait. D'accord. Si on veut venir assister à votre soirée de samedi, on réserve ? C'est possible de réserver, oui, sur nos 2 numéros. Alors, je donne les numéros. Je les mettrai en podcast avec le lien de l'émission d'aujourd'hui. Comme ça, bien, si vous avez envie d'assister à ce fameux repas typiquement africain, si j'ai bien tout compris, ça se passera à Rochesson, chez Camille et Florent, pour une soirée dépaysement complète, hors de tout, mais bien au sein des Vosges. Le mélange doit être vraiment fameux. Si vous le voulez bien tous les deux, on se lance dans notre deuxième bulle de son avec un titre de Saoudage. Je pourrais rajouter un petit mot. Ah bah vas-y, rajoute tout ce que tu veux. Quand même, parce que Saoudage, il y a quelque chose de par rapport à tout ce qu'on parlait avant. Saoudage, c'est un groupe qui vient de La Réunion, qu'on D'accord. est allé chercher là-bas. Enfin, que moi j'avais rencontré en France sur le rêve de l'aborigène il y a maintenant 5-6 ans. Et quand on a décidé de partir tous les deux en sac à dos à La Réunion pendant 3 mois, on s'est dit, bon, on va aller chercher Saoudage là-bas pour le ramener aux bonnes vibrations. Ah oui ? Donc on est allé chercher Saoudage là-bas et on est devenus des grands amis maintenant. D'accord. Donc on les a fait venir aux bonnes vibrations il y a 3 ans à Gérardmer. Ça a énormément plu. On a hâte qu'ils reviennent jusqu'à nous. On bientôt s'installer et ici. J'étais encore à La Réunion ah ouais là en novembre. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. On adore leur musique, on adore ce qu'ils font, on adore leur esprit aussi dans lequel ils font leur musique. Saoudage, c'est la mélancolie heureuse. Et il y a quelque chose de... C'est de l'influence de partout dans le monde. Du coup, c'est un beau mélange musical. Et voilà, je vous laisse découvrir Saoudage. Waouh. Eh ben, dis donc, on n'en rajoutera pas un mot. On écoute tout de suite donc Saoudage et on se retrouve juste après. Come on. un moment plein de vibrations avec ce titre hein, que vous nous avez présenté aujourd'hui, qui est plutôt transcendant, j'ai envie de dire. Hein, le didgeridoo, un petit clin d'œil au didgeridoo qu'on apprécie tant. Merci encore à tous les deux, Florent et Camille, d'être parmi nous aujourd'hui dans la bulle pour nous parler de l'association Les Monts de l'Utopie, qui est en plein cœur de Rochesson et qui vous propose des nouvelles sonorités, de nouvelles cultures. On propose des événements tous les combien de temps avec l'association ? Eh bien là, pour en tout cas l'année 2018, on a... C'était un peu une année de lancement du coup. Oui, c'est vrai. Donc on propose, il y aura déjà 4 événements. Donc en fait, il y a déjà eu le 24 février où c'était la soirée concert. D'accord. Il y a ce samedi, donc c'est repas concert. On va organiser la fête de la musique aussi le 23 juin. Ah ouais. Et le 20 octobre, une soirée spectacle qui, elle, sera sans alcool. D'accord, ça y est, on va se lancer dans le vif du sujet. Ça y est, voilà. Ça met combien de temps à organiser un petit peu tous ces événements-là vous... entre le choix des musiciens? C'est difficile à dire, parce qu'autant il y a des fois où les musiciens, hop, là, on les trouve, parce que c'est Florent qui s'occupe de la programmation. Mais du coup, il y a des fois où ça va très vite, comme des fois où... Il y a des embûches. Voilà, 2 semaines de l'événement, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la culture, ça se paye aussi. Ouais. Et on est une association qui n'a pas beaucoup de fonds. Donc, on essaye de travailler sur des groupes qui ne demandent pas beaucoup. Bah oui. Sachant qu'on reste quand même attentif aux demandes des groupes sur les cachets. C'est normal que tout le monde vive de ce qu'il fait. Donc, on essaye de rémunérer à juste titre les groupes qu'on fait venir. Donc, avec des budgets restreints, on propose une programmation qui n'est pas... qui est chouette, mais qui n'est pas la programmation qu'on proposerait si on avait plus d'argent. Pour l'instant, ça va venir. Mmh. C'est pour ça que cette année, c'est une année de lancement et qu'on ne fait pas beaucoup d'événements. Le but, ce serait quand même de proposer une grosse programmation sur l'année. Après, voir comment ça va se mettre en place. Chaque chose en son temps, et puis tout viendra à ta point, qui sait attendre. C'est ça. Si on veut vous aider, par exemple, on peut adhérer à votre association, j'imagine ? Oui. Alors, les adhésions, en fait, c'est conseillé. Enfin, c'est à partir de 5 euros. Donc, voilà, après, si les gens ont envie de donner plus, ils donnent plus. 5 euros, voilà, on trouvait que c'était quand même assez raisonnable. Participation consciente. Voilà. Et du coup, l'adhésion, ça permet à nous d'avoir donc les adresses mail. Donc, comme ça, quand il y a des comptes rendus, quand il y a des événements, les gens sont au courant par mail. Tout à fait. Et voilà, donc il y a ce soutien-là. Après, il y a des gens qui font des dons aussi. Il y a l'année dernière, il y avait eu aussi des membres de l'association qui, par exemple, on a une amie qui faisait des cours de yoga, qui redonnait un petit peu des sous pour l'association. Ça, c'est chouette. Moi, j'ai fait des ateliers cuir pour les enfants au Galluron, là où on en parlait tout à d'accord. l'heure. D'accord. Que l'on donc salue. L'argent, oui, qu'on salue. On salue Élise et Seb. Voilà, on salue Élise et Seb. Et du coup, c'est pareil, l'argent de ces ateliers-là, je le reversais à l'association. Donc ça, c'était le début de l'année dernière. Donc chacun à sa mesure. Les garçons aussi, eux, ils ont vendu des pieds de tomates, de tout un tas de petites plantes comme ça au Planès pour... Sur plusieurs manifestations, on a proposé un stand de Les Monts de l'Utopie fait ses plans. Du coup, on a proposé un stand sur l'association des Planès à la fête des plantes, dont on faisait partie de l'organisation de l'association des Planès avant, qu'on a quitté cet hiver, et pour se mettre complètement sur les monts de l'utopie. Et on a fait ça aussi au Jardin des Panrées à Cornimont, qu'on salue aussi, Yvon, coucou. Et du coup, cette année, on va refaire la même chose. On essaye de travailler sur les réseaux locaux, donc là on repose un stand au Galluron le 1er mai à la fête comment s'appelle leur fête ? C'est une fête des plantes, alors oui, je ne sais pas. C'est la fête des plantes, toute la journée le 1er mai il y aura des ateliers, une grainothèque, des stands, un troc de plantes au Galluron le 1er mai. Le Galluron fait le printemps. C'est ça. Ensuite, on aura un stand de plans aussi sur le Festival Caracol. Il était une fois dans l'Est le 4-5 mai, qui sont des copains et on est aussi bénévoles là-bas. On leur fait coucou, on les soutient. Et ensuite, peut-être aussi au Jardin des Panrées, c'est à voir, rien n'est décidé encore pour l'instant. Tu nous redonneras toutes les dates ou les lieux là où on peut vous retrouver, si jamais certains de nos auditeurs ont envie un petit peu de venir voir ce que vous faites et puis de participer à leur niveau, à tout ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Est-ce que vous proposerez peut-être un jour des ateliers en plus de tous vos concerts, de toute votre programmation? Très probablement, oui. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire une programmation assez éclectique. Du coup, on va essayer aussi de mettre en place, effectivement, des après-midi, il y aura des ateliers, des conférences, pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Et puis voilà. Vous êtes bien lancé avec tous les copains là qui commencent à avoir un petit peu l'habitude. Guéluron, ça va, on s'est amené les événements maintenant, tout va bien et tout le monde vous soutient. Et après voilà, on a notre réseau, c'est vrai que c'est des amis donc autant les Caracoles, on est bénévole à chaque fois, autant le Guéluron, c'est des amis donc on vient les soutenir quand on peut. Après on se pose pas mal de questions, on se dit toujours diviser pour mieux régner, mais en vrai pour l'instant dans la culture, on est pas mal divisé dans les Vosges. Ouais. On est plein de petites assos partout et on, pour parler pas trop français, on en chie tous. Oui. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Guéluron. Ça fait bientôt 2 ans et ils mettent la clé sous la porte. C'est dommage. Ils mettent la clé sous la porte ? Oui, le Guéluron, c'est fini début mai. Ah, d'accord. Bon, c'est une information à prendre. Ce qui est bien dommage, et de que la culture ne soit pas plus soutenue dans les Vosges au niveau... des mairies, tout ça, ça manque. Après, on a entendu parler d'un plan culture qui se met en place sur les Vosges. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ce plan-là que le gouvernement est en train de mettre en place. Apparemment, on est en pénurie culturelle ici dans les Vosges et on est fait partie des 7 départements qui ont été choisis. Donc, nous allons voir si on peut tirer des sous ou si c'est encore les grosses structures qui vont tout tirer. Eh oui! Constat amer un petit peu pour tous. On espère bien que l'argent ira aux personnes qui le méritent, entre guillemets, mais en tout cas qui proposent de vraies choses. Que ça soit bien réparti. Oui, soit bien réparti. Un petit peu pour tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je vous propose de vous lancer dans une troisième bulle de son avec Dendana, c'est ça ? Voilà, oui. C'est ça. C'est sûrement un artiste qu'on invitera l'année prochaine. Ouais, chouette. Alors, on écoute ça pour se donner un petit avant-goût de toutes ces belles sonorités que vous allez bientôt nous présenter pour le titre Galou. Et on se retrouve juste après. قالوا دنيا هانيه كنا نسعفوا ليهم وقالوا اسمه صفيها وانا شايف بغيهم وقالوا القمر ضويها واحنا طريقنا ظلم قالوا الصفا ما جيها وما ريناه في منام سادي سادي صرنا بنا سادي سادي فلنا ممدو Yeah. مش لما قال ولا حد جايب لك لمسة دي وقالوا قالوا القمرة ضوية السدي وحنا طيخنا ضمسة دي وقالوا قالوا الصبا مجي السدي كنا نسافوا لي يمسة دي وقالوا قالوا اش لما قال ولا حد جايب لك لمسة دي وقالوا قالوا اسم صفي السدي وانا شايف لغيم سدي وقالوا قالوا الصبا مجي السدي كنا نسافوا لي سدي وقالوا قالوا القمر ضوي السدي وحنا طيقنا ظلم سدي وقالوا قالوا شلما قال وما رينا بمنا سدي سدي صدنا بنا سدي سدي فلنا ممدو سدي دايم مولانا واو quelle chouette ambiance avec c'est un groupe Dendana c'est un chanteur d'accord. C'est un chanteur de Paris. D'accord. Qui vient du Maghreb et qui est arrivé, qui est très connu au Maghreb, qui est arrivé à Paris et qui s'est lancé sur cet album-là qui s'appelle Mélodie. Oui. Qui est très chouette à découvrir. Et oui, ça c'est vrai. Et t'aimerais bien le faire venir chez toi. C'est ça, donc il tourne tout seul. D'accord. Ou avec 5 musiciens. Enfin, il propose plusieurs formules et nous, on voudrait le faire venir avec une autre formule qui est Hang, DJ Ridou et le chanteur. Waouh, super. Eh ben, on attend avec impatience que vous faites, que vous fassiez. Oh bah non, je sais plus. Que vous fassiez venir cet homme qui chante si bien. Voilà, merci. D'où ça vous vient cet amour de la musique? Alors on a vu que vous aimiez parcourir un petit peu les territoires multiples, mais point de vue musical, ça vient d'où cette envie de rencontrer des cultures musicales différentes? Et puis la musique tout court, j'ai l'impression que ça tient un petit peu à cœur quand même. Bah, c'est la une musique. Question assez vague, d'où ça vient question. L'amour de la musique, je crois que c'est... Est-ce que vous êtes musicien vous-même peut-être? Oui, on est à un nos peu heures musicien. Perdues. Non, c'est une passion de la musique à la base traditionnelle quand même. Et d'où est-ce que ça nous vient? C'est pour moi, c'est à force d'avoir monté des événements autour des événements culturels ailleurs et ici aussi, qui m'ont fait aimer de plus en plus la musique. La musique, c'est un langage universel, hein. On peut rassembler plein de gens complètement différents de tout milieu et cultures différentes autour d'une seule chose, la musique. Et puis on peut passer plein de messages aussi complètement libres avec la musique. Et ça, c'est plutôt chouette. Hein ? Bah oui, effectivement, la musique... Après, je sais que moi, depuis que je suis petite, voilà, j'ai toujours eu envie de voyager. Du coup, la musique, ça va avec, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est une émotion. Bah, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on pense, peu importe les préjugés ou quoi que ce soit, bah, la musique, ça réunit quoi qu'il arrive. Après, bon, bah, chacun a ses préférences, oui, effectivement. Mais voilà, du coup, on a envie de proposer quelque chose d'assez éclectique pour que les gens puissent en profiter. Oui, puis c'est quelque chose qui nous lie, la musique, tous. Et bah, une petite anecdote, à chaque fois qu'on fait des soirées, on finit à faire la musique, et c'est le bœuf, et c'est la jam, et c'est comme ça qu'on vit tous les jours, on vit de musique, on soigne de musique, donc on a envie de partager ça aussi. C'est sûr, c'est beau. Du coup, vous proposez eh bien des musiques que l'on ne connaît pas tous. Ça amène de la culture un peu à plein de personnes différentes. Et ça, c'était important pour vous d'amener un petit peu cette culture différente à des gens qui n'y auraient pas eu accès peut-être autrement. Ben, étant donné que bah nous, ça nous touche cette musique-là. On se dit bah pourquoi pas aussi proposer aux gens, parce que c'est vrai que bah, c'est pas de la musique qui passe sur les radios en général, c'est pas de la musique qui est accessible à tous. Et c'est vrai que bah là, par exemple, la dernière fois, le 24 février, donc c'était musique traditionnelle turque et un trio où c'était plus musique latine. D'accord. Et ben, on a eu des super bons retours parce qu'il y a des gens aussi dans le public, du village notamment, qui eux, par exemple, ils font de la musique traditionnelle vosgienne. Mm-hmm. Et ils étaient touchés aussi parce que c'est vrai que ce genre de spectacle, il n'y en a pas souvent ici, donc... Donc voilà, on a eu de très bons retours et ça nous encourage à continuer. Ah bah oui, continuer. Ah oui, on vous encourage nous aussi à continuer. Il y a d'autres événements après ce samedi 21 qui sera prévu ou pas encore ? Oui, si, il y a déjà le 23 juin. Oui. Alors du coup, ça va être un peu... Original. Un peu original, puisque la fête de la musique à Rochesson se déroulera chez Ben et Chloé dans leur jardin, dans une propriété privée, où on pourra accueillir 150 personnes à peu près. Ça se déroulera dehors. Et la programmation est en cours. On a déjà un groupe de Paris, un duo, qui... un super guitariste jazz. Et... une chanteuse qui fait des cascasses et du chant. D'accord. Donc voilà. Pour les autres groupes, c'est à venir. Ok. Bah oui, il y a encore le temps avant, avant juin. On prépare les choses tranquillement. Voilà. Donc la soirée de la fête de la musique à Rochesson, ce sera vous qui l'organisez année. Donc là, cette année, voilà, on va faire ça donc chez les, chez les amis. Qui font partie de l'association, bien sûr. D'accord. Et après, l'idée, pourquoi pas, pour les années d'après, de proposer plein de petits groupes un petit peu partout dans le village. Il y a une idée qui est née de notre voisine. Et du coup, c'est vrai que ça peut être assez sympathique de faire un spectacle, enfin, de faire un village vivant pour la fête de la musique. Donc. Après, ça reste hypothétique pour l'instant. C'est un petit projet comme ça. On verra bien ce que ça donne. Mais... Ça va devenir un endroit hyper branché, Rochesson. Bientôt. Ouais, c'est Rochesson, village peut-être. D'avenir. Depuis qu'on est arrivé à Rochesson, on dit ça à tout le monde. Rochesson, village d'avenir. Bah, tout à fait, t'as bien raison. Faut y croire, hein, c'est le tout déjà principal. Il y a d'autres projets que les mondes de l'utopie ont envie de franchir, de gravir, d'atteindre, où on se laisse le temps tranquillement de voir comment les choses évoluent. Bah, on est un peu rêveur, on rêve de plein de choses. On aimerait bien, oui, on a plein d'idées dans la tête. Après, à voir comment on va être suivi autour de nous et qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas encore. On n'a pas trop envie d'en dévoiler trop, mais on y réfléchit. Ok. Les gens, ils se sentent concernés par votre projet, ils répondent bien présents quand vous lancez une soirée. On voit quand même qu'il y a, enfin, vous le dites, il y a quand même un petit peu de monde qui vient. Cette année, c'est l'année test, donc on va voir jusqu'à quel point ça répond. Mmh. Ça répond bien jusqu'à là, et c'est chouette. Oui. Après, l'année prochaine, on verra. Si vraiment ça répond bien et qu'on peut se lancer dans une programmation plus intense, on le fera. On vous le souhaite en tout cas. On vous souhaite plein de belles choses au sein des mondes de l'utopie et puis de toutes les personnes qui vous soutiennent. On peut retrouver quelques informations sur Facebook où vous avez une petite page, Les Mondes de l'utopie. C'est toi, Camille, qui tient cette page ? Pas particulièrement, mais voilà. Ah, pardon. Alors, on se relaye, hein, parce que... on salue les trois personnes qui tiennent cette page Facebook, et puis tous les membres et les participants au sein de votre association, hein, parce que c'est en étant ensemble qu'on ira faire plein de choses, hein, c'est partout pareil. Ça crée une belle toile, toute cette association, et puis toutes les associations... auxquelles on est liés. Voilà, c'est ça. C'est très très beau, et puis je vais quand même citer la superbe phrase que Camille a écrite, hein, sur le site, hein, sur la page Facebook, hein, faites confiance au monde de l'utopie, vos yeux en prendront plein les oreilles. Voilà, c'était vraiment tellement bien écrit qu'il fallait que je le dise. Eh bien écoutez, on vous retrouve du coup samedi 21 à la salle des fêtes dès 19h30 pour une soirée que vous nous aurez organisée, en espérant qu'il y ait plein de monde qui vienne s'amuser et écouter des sons venus d'ailleurs. ambiance conviviale, chaleureuse, venez partager ça avec nous. Voilà, c'est une question de partage, de bienveillance, de solidarité au monde de l'utopie, puis ça nous fait bien plaisir. Oui, puis on crée, à chaque soirée, on crée quand même un univers au niveau de la déco, de la salle. Ah oui ? Donc chaque soirée, oui, oui. Ah, bah, en fait, avant les événements, on fait un week-end déco avec tous les membres. D'accord. Où là, je peux en dire un petit peu, mais pas trop. Cette semaine, on va accueillir plein de jonquilles. Et on va faire notre fête des jonquilles à notre façon, à nous. Ouais. Donc voilà, venez découvrir l'esprit de la salle qu'il y aura. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'heures de préparation quand vous organisez un événement comme ça pour la déco. Ben, pour la déco et pour tout le reste, oui, il y a une paire d'heures. Oui, ça, après, on ne les compte pas parce que voilà, mais ça nous fait plaisir de le faire. Mais oui. Après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de rentrer dans une salle où il y a de la décoration, On rentre directement dans un univers particulier. Et c'est vrai que la déco, ça nous tient à cœur. Donc. Si on arrive à amener une ambiance ouais. C'est toujours un plus. Bah oui, c'est toujours un plus, ça c'est sûr. On vous remercie tous les deux, Camille et Florent, d'être venus de nous parler de votre association Les Mondes de l'Utopie. Un dernier mot à dire à nos auditeurs avant que l'on termine. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, que tout se passe bien pour vous. Et puis on se retrouve samedi 21 à Rochesson. Voilà. C'est ça. Merci à tous les deux. Merci à tout le monde. À nos auditeurs, eh bien, on se retrouve demain. En attendant, c'est comme tous les jours. Hein. Bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up. Get your weapons wrong, they only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown.